Exercice 5, page 14. Molière était un grand acteur et un immense auteur. Selon la légende, il est mort sur scène, dans un théâtre parisien. Rose Véronne était une jeune actrice débutante. Elle est morte assassinée dans une caravane à Paris.